Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Superman version jeune. La série Smallville vous raconte l'adolescence de Clark Kent. Et voici la saison 7. Après avoir découvert la vérité sur la face cachée de Lex et sur les pouvoirs de Clark, Lana décide de quitter Smallville pour échapper à la vengeance de son mari. Mais sa voiture explose et elle est laissée pour morte. Chloé, de son côté, reste inerte après avoir sauvé la vie de Lois grâce à son nouveau pouvoir. Martha Kent, elle, accepte le poste de sénateur du Kansas et quitte Smallville pour Washington, laissant Clark seul à la ferme. Cette nouvelle saison nous offre un nouveau personnage, Bizarro. Échappé de la zone fantôme, il vole à Clark un fragment d'ADN qui lui permet de prendre son apparence et devenir son parfait opposé. Smallville saison 7 avec Tom Welling, un DVD Warner Home Video.